Now listen to this brief conversation between an Englishman in a desperate hurry to get to the airport and a helpful French woman. Pardon, madame. Pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Vous allez à l'aéroport? Oui, madame. Ah, prenez l'autobus. Il y a un autobus. Bien sûr. Ah, c'est très bien. Merci, madame. Mais... Oui? Où est le... le stop pour l'autobus? L'arrêt d'autobus. Oui, c'est ça. L'arrêt d'autobus. Merci. De rien, monsieur. Non, non, non. Pardon, madame. S'il vous plaît, où est l'arrêt de l'autobus? Ah! Je comprends. Où est l'arrêt d'autobus? Oui, madame. Vous allez à l'aéroport? Oui, c'est ça. Je vais à l'aéroport. Pardon, monsieur, je ne sais pas. Oh.